Alors, en principe, nous avons des marchands et des sans doute des bûcherons qui s'intéressent au débit des bois pour la fabrication des instruments de musique.